Ah, ça marche. Ok, wow. On va faire. Wesh, wesh. Trop bien, ça marche. Moi, j'avais de la latence, j'en ai plus, c'est super. Ah, comment on fait pour baisser le son? Désolé. Allô, allô, ah, c'est va. Pas mal, vas-y, tape! Va ou pas? Baisser du pote. Wachiba palapba. Bon, Mais c'est un vrai, c'est une vraie personne qui joue de la guitare là. C'est pas une vraie personne. Thank you. Ah, mais vous gérez votre race? Ah, mais vous gérez votre race? Moi, j'ai pris la guitare, hein. Si vous permettez. Que je joue avec vous. Petite réverb de merde, là. Thank you.